On va parler de hockey avec notre ami Guy Saint-Gelais. C'est la chronique JMS. Salut Guy. Salut Danny. Guy, on va parler de nos équipes d'ici. Avant de parler des équipes du Saguenay, d'abord, il y a les Sabres de Roberval contre les Marquis de Jonquière. C'est 2-0 dans la série pour les Marquis. Oui, c'est 2-0 pour les Marquis. Le score des deux matchs, 6-2, puis le premier match, puis 8-2 pour les Marquis, le deuxième match, c'est malheureusement, des fois, le score n'indique pas l'allure du match. Les Sabres ont quand même joué des bons matchs, mais manquaient peut-être d'un petit peu de jus là, vers la fin des matchs. Ce que l'entraîneur Guillaume Guy devra corriger là, au cours de la semaine avant de rejouer le troisième match là, qui a lieu jeudi à Jonquière, puis le quatrième. C'est samedi à Roberval. OK. Donc, ça va être intéressant. C'est un 3-5 ou un 4-7? 4-7. C'est un 4-7, OK. Oui. Parlons maintenant des Éperviers Normandais qui sont en avance dans leur série. Oui, les Éperviers mènent 2-0. On a remporté le deuxième match hier. Ce qui est, on pourrait dire, une petite surprise, là, vu l'affiche des deux équipes là, entre Normandin et Chicoutimi. OK. Et, pour avoir vu les deux matchs, le Normandin a joué de l'excellent hockey. C'est belle machine. On pourrait dire. Ouais, ben je veux dire, ils se sont adaptés, puis ils sont organisés pour contrer l'attaque de Chicoutimi, puis ça a très bien réussi là, les deux matchs. OK, OK. Et ça fait le tour pas mal de cette ronde. Ben, dans le junior, oui. Oui, OK. Midget maintenant. Dans le Midget, les Castors de Dolbeau et les Marquis de Jonquière, c'est 1-1 dans la série. Hier, les Castors ont gagné. Par contre, oui. À Jonquière, ça a été quand même. Ils ont livré un très bon match. Oui, bien, ça a terminé 2-1. Là, je veux dire, pour les Marquis, les Castors, là, très, très, très belle opposition. Là, malgré quelques un petit peu manque d'effectifs que l'entraîneur Bouliane parlait au cours de la semaine dernière. Là. Les Castors, là, on parlait des Éperviers dans le junior qui avaient adapté leur système en conséquence. Ben les Castors ont fait la même chose là, versus les Marquis. OK. Puis hier, ça n'a pas été un match difficile. Là. C'est 6-1, si je ne me trompe pas, 6-2. Là. Ouais, ça a été un très beau match. Ouais, c'est ça. Ça a été un très beau match. Castors un petit peu de brosse camarade en fin de match, mais c'est les séries. Fait que égale série, on dit plus d'intensité. Et malheureusement, il y a eu quelques petits gestes, mais. Tout est resté sous contrôle quand même. Prochain match, c'est quand? Vite de même, si je ne me trompe pas, c'est mardi à Jonquière. Si je ne me trompe pas, là, c'est mardi à Jonquière. OK. Ensuite de ça, on a le Marcos Pauve qui mène 2-0, mais ça n'a pas été facile. Hein? Ah, c'est terminé, Danny. OK, ça, c'est terminé. Hier soir. OK, ouais, j'ai pas vu. Marcos l'a remporté 3-1 là, sur le National hier. OK. Hier soir à Saint-Félicien. Donc, Saint-Félicien est la première équipe là, à s'être classée pour les demi-finales. Donc, étant donné la victoire de saison, le championnat de saison pour le Marcos Pauve, eh bien, Marcos Pauve va attendre l'équipe qui va terminer le plus beau classement là, parmi les six autres équipes encore qui se battent là, pour une place en demi-finale. OK. Le Marcos Pauve qui mène et les ambassadeurs Spugamo dans l'autre série, eux, je pense que c'est 2-1 chez Bougamo, Chicoutimi, mais ça a été, eux, étant donné les distances, ça a été les trois premiers matchs à Chicoutimi, vendredi et deux samedis, et les deux autres, là, samedi prochain à Chicoutimi. C'est 2-1 chez Bougamo, le premier match remporté facilement par Chicoutimi, le deuxième 4-0 pour les Saguenayens, et le troisième, ben, le match très serré qui s'est terminé en prolongation là, en faveur de Chicoutimi. OK. Donc, le quatrième match, là, samedi matin à Chicoutimi, dans l'arena du Marine de la Roche Chicoutimi samedi matin. Ici, un cinquième match va être samedi soir, là, toujours sur la glace du centre Marine de la Roche Chicoutimi. OK. Donc, ça fait pas mal de tour pour cette semaine. Les instances, ça paraît toutes les instances des arénas, à ce temps qu'on est dans la série. Oui, il reste juste une petite série, Danny, là, ouais. qui touche le lac, mais un petit peu plus bas que par chez vous, là, Alma. Alma et ouais. Alma avait pris l'avance 2-0. Les Orioles l'ont emporté hier là, pour mettre 2-1 cette série. Ça fait qu'il ne faut pas oublier là, que dans le midget, c'est des 3-5. Le midget, le quart et la demi-finale des 3-5. Seulement la finale va être un 4-7 là, dans le midget. OK, OK. Donc, mais oui, les assistances pareilles, Danny, là, okay. Pour les séries. Là. On dirait que Je sais pas, la fièvre des séries, là, c'est vraiment vrai, là, peu importe le calibre. Même au midi, même au Saguenay, parce qu'au lac, c'est sûr, c'est plus facile, mais au Saguenay, il y a tellement de hockey, est-ce que ça paraît Ben, même? honnêtement, Danny, vendredi à Chicoutimi, là, premier match Épervier-Saguenay, là, Ouais. il y avait beaucoup de monde. D'habitude, un match Normandais à Chicoutimi, on s'entend que, à part quelques personnes du côté de Chicoutimi, il n'y a pas grand monde, là. Normandais avait quand même beaucoup de monde. Du côté de Chicoutimi, il y en avait plus aussi. Puis là, Normandais sont en préparation d'une autobus de spectateurs là, pour vendredi prochain à Chicoutimi. OK. Ça fait que ça paraît, là. Tu sais, des autobus dans le junior. Le midget, ben, tu sais, on jouait au Foyer des loisirs hier, il y avait pour un troisième match. Il y avait beaucoup de monde. C'est vrai qu'Alma est plus proche un petit peu que à Jonquière, mais quand même, là, surprenant. OK. Honnêtement, là, c'est vraiment surprenant. 200-300 personnes à peu près? Oh, peut-être pas à ce point-là, mais tu sais, je veux dire, Ouais. ben, dans le junior, oui. OK. Dans le midget, un petit peu moins, mais c'est quand même plus qu'en saison. C'est vraiment là on voit que OK. le monde attend ça, les séries, peu importe la catégorie. Là. Ouais, OK. Guy, on se reparle lundi prochain? Oui, avec beaucoup plein de développement, des nouvelles séries. Oui, il dans va le bien midget avoir qui des vont être séries. entamées déjà. Il va bien avoir des Puis séries dans le terminées. junior, ouais, puis dans le junior, ben. La semaine prochaine, ça peut être terminé comme pas, tout dépendant de ce qui va se passer ce week-end. OK. Guy Saint-Gelais de la chronique de la Ligue JMS.